Bonjour à tous alors, hein, bienvenue à ce dernier Midi de l'Imaginaire de l'année 2025. Pour clôturer en beauté ce rendez-vous, on est très heureux d'accueillir aujourd'hui Christophe Meuret, qui nous vient de Bruxelles. Donc pour le présenter, Christophe Meuret est docteur en langue et lettres, diplômé de l'Université de Louvain, où il est également professeur invité. Mais sa fonction principale, il exerce aux AML, aux archives et musées de la littérature, que certains connaissent certainement. Donc c'est un centre d'archives qui est littéraire, éditorial et théâtral, qui travaille sur la production belge francophone, où il assure d'ailleurs la coordination scientifique. Dans ce cadre-là, il publie de nombreux articles et ouvrages sur la littérature, essentiellement la littérature du 19e à nos jours. Et il a publié récemment un recueil d'articles sur l'écrivain belge François Emmanuel, ou encore plus récemment alors un essai sur Jean-Philippe Toussaint et son rapport au cinéma, tous les deux dans la collection Archives du Futur, qui est une collection qui est justement coordonnée par les AML. Mais s'il est là aujourd'hui, c'est pas du tout pour ça, aucun rapport, puisqu'il a aussi écrit ce livre, Hélène Ripley, dans la collection La Fabrique des Héros, que vous connaissez bien, parce qu'on la met très souvent en avant ici, dans les Midis de l'Imaginaire. Donc un numéro qui est sorti il y a quelques mois, et qui est consacré donc à la figure d'Hélène Ripley, et qui est sous-titré « Survivre à l'alien, survivre à l'avenir ». Donc Hélène Ripley, pour ceux, les rares personnes qui ne la connaissent pas, c'est l'héroïne de la saga de film Alien, et qui est incarnée à l'écran par Sigourney Weaver. En tout cas, jusqu'à présent, c'est la seule qui a incarné ce personnage. Donc on est très heureux de clôturer ce cycle. Enfin, pas clôturer, parce que l'année prochaine, on reprendra, mais en tout cas pour cette année, autour des figures féminines dans la pop culture, avec ce personnage-là, qui est sûrement une des héroïnes les plus fascinantes et insaisissables de la science-fiction contemporaine. Donc voilà, merci Christophe. Merci à tous d'être là et bonne écoute. Merci Nicolas. Alors, tout d'abord, je vais commencer par une première question, parce que je sais que tout le monde n'a probablement pas vu le film. Qui a vu au moins un des films Alien ? Au moins un. Ok, donc ça va. Je ne dois pas trop expliquer. Bon, j'expliquerai quand même, je réexpliquerai certaines choses au fur et à mesure, mais c'était quand même pour m'assurer du fait que, je m'adresse à une audience un tout petit peu informée. C'est très bien. Donc, ceci dit, je vais commencer par l'actualité la plus récente de ce qu'on a appelé la saga Alien. Depuis le mois d'août dernier, le xénomorphe, né à la fin des années 1970 dans les imaginations des scénaristes Dan O'Bannon et Ronald Shusett, et de la main du plasticien suisse Hans-Rudi Giger, a débarqué sur la Terre à travers, donc ça c'est juste, ça vous connaissez, c'est la tétralogie originale, ça ce sont les autres films. Le xénomorphe a débarqué sur la Terre dans la série créée par Noah Hawley, Alien Earth. Alors, j'avais annoncé dans le livre que j'ai consacré à Ripley que cela ne pouvait en aucun cas arriver. Le xénomorphe ne pouvait pas mettre une griffe sur la Terre. Évidemment, ceci dit, la série était déjà annoncée et son titre était déjà connu, donc j'ai un peu joué les innocents. Ceci dit, c'était déjà arrivé dans certains comics américains qui avaient fait pendant à la série, mais qui n'avaient jamais été repris dans le canon de la série des Aliens. Par contre, la série fait bel et bien partie du canon parce qu'elle a été notamment estampillée par Ridley Scott, qui est celui qui a créé l'univers d'Alien. Donc, en fait, voilà. Au cours de cette saga, qui compte 7 films, à peu près autant de courts-métrages, au moins un jeu vidéo qui entre dans le canon, qui s'appelle Alien Isolation, Alien Isolation, et aussi cette série. En fait, je n'avais pas compté sur le fait que la série s'écarterait à ce point de l'univers, et pourtant je connaissais le créateur. Le créateur, Noah Hawley, certains le connaissent peut-être parmi vous, c'est celui qui a fait la série Fargo, qui elle-même partait du film des frères Coen Fargo. Et en fait, je le savais, j'avais vu cette série. Je savais, moi, en bon fan de Fargo, qu'il s'en était lentement écarté pour finalement nous amener tout à fait ailleurs, là où on ne l'attendait pas, eh bien, il a fait la même chose et il s'est écarté de ce qui constitue le point de départ, le slogan que l'on connaît encore tous, je pense, du premier film Alien, « Dans l'espace, personne ne vous entendra crier ». Eh bien, justement, on en est très très loin. L'action de la série, donc ça vous connaissez bien entendu ce à quoi ressemble le xénomorphe, même s'il a beaucoup changé au fil du temps. L'action de la série, initiée à l'été 2025, se déroule avant les événements du premier film. C'est assez intéressant, hein, donc premier film réalisé en 1979 par Ridley Scott. Pour être précis, 2 ans avant les événements qui se sont déroulés sur le Nostromo, dont l'équipage, à l'exception d'Hélène Ripley et du chat Jones, a été décimé par une créature qui n'aura pas de nom pendant une 20aine d'années et qui est communément désignée sous le terme générique de xénomorphe, quand ce n'est pas plus simplement alien. Autrement dit, l'action d'Alien Earth se déroule du vivant de Ripley. C'est ça qui m'intéresse. Probablement alors qu'elle se trouve déjà dans l'espace pour accomplir la mission de transport de minerais qui lui a été assignée par son employeur, que l'on connaît désormais comme le titanesque conglomérat Weyland-Yutani. Ce qui me retient dans cette contemporanéité, c'est la présence-absence de Ripley dans une série qui pourtant ne parle pas de Ripley, bien sûr, puisque ce n'est pas une personnalité connue, c'est une femme, c'est une bête employée, elle n'a pas vraiment de notoriété. Et cette série, pourtant, rompt radicalement avec les codes qui ont fait le succès de la saga, ce qui a désabusé de nombreux fans, il faut bien le dire, et déchaîné de mauvaises passions sur YouTube et sur d'autres plateformes sociales. L'alien n'est désormais plus qu'une espèce extraterrestre parmi d'autres, relégué au rang de brave mouton, meurtrier certes, ça c'est donc le premier film, mais je vais vous montrer le changement de paysage, hein, il est toujours aussi meurtrier, mais il répond dans la série au doigt et à l'œil de l'hybride Wendy. Alors ça c'est la version petite de l'alien, mais même en grandissant, il lui obéit au doigt et à l'œil, puisque cet hybride qui est à moitié androïde, à moitié humaine, parle son langage. Cela marque aussi un recul. L'alien marque aussi un recul quand il est confronté à une autre espèce extraterrestre, en l'occurrence un œil tentaculaire, qui a la mauvaise habitude de se nicher dans les cavités oculaires de cadavres, hein, et d'en prendre possession littéralement en faisant des zombies. Bref, le xénomorphe fait-il encore peur, puisqu'il en est à avoir peur d'un œil, ou n'est-il plus désormais qu'une marque commerciale, presque totalement apprivoisée, ainsi que tendrait à le prouver le petit livre pour enfants sorti en 2024, qui retrace l'histoire du premier film dans une version destinée à apprendre l'alphabet aux très jeunes enfants. C'est pas une blague, hein. Je l'ai fait importer des États-Unis. C'est vraiment, je n'y croyais pas, mais si, il existe, hein. Sans compter évidemment toutes les figurines qui le rendent plus sympathique finalement que ce qu'il était auparavant. Faut-il y voir la marque du fait que la franchise Alien a été rachetée par Disney? Peut-être, mais je ne suis pas sûr que ce soit la seule raison, parce que ça reste quand même très sanglant. Même la série parue en août. Il est vrai que le quatrième film de la saga, celui qui a été réalisé par Jean-Pierre Jeunet, hein, le réalisateur français, juste avant Amélie Poulain, ce qui est quand même assez amusant parce qu'en plus la bande-annonce d'Amélie Poulain faisait une référence immédiate à Alien, ce qui était quand même assez audacieux. Je vous invite à aller revoir la bande-annonce d'Amélie Poulain. Ce film était scénarisé par Joss Whedon, que vous connaissez peut-être pour être le créateur de la série Buffy contre les vampires, dont on attend un reboot également. Le xénomorphe tente à être, depuis ce film-là, relégué à une puissance moindre par les créatures hybrides que les manipulations génétiques ou technologiques les plus diverses le conduisent à devenir. Ce qui sera au cœur des films suivants, Prometheus et Covenant, qui sont tous les deux de la main de Ridley Scott, le créateur du premier film, mais aussi de Alien Romulus, chilien Fede Alvarez. Sans compter la série, évidemment. Si le monde d'aujourd'hui semble en avoir fini, sinon avec l'alien, du moins avec une partie de la charge symbolique, tout ce qu'il a comme charge d'effroi, hein, qu'il porte, Cela n'est pas du tout le cas d'Hélène Ripley, son antagoniste humaine. Il y a quelques semaines, l'actrice Sigourney Weaver, si vous n'êtes pas au courant, je vous lâche quelque chose d'énorme, âgée de 76 ans pourtant, déclarait, mais toujours en merveilleuse forme, déclarait qu'elle n'en avait peut-être pas terminé avec le personnage qu'elle a incarné durant 4 films et auquel elle a même prêté sa voix en 2014 dans le jeu Alien Isolation, Alien Isolation. Déclaration qui relance les supputations les plus folles à propos d'une reprise inattendue de la saga. Mais en fait, il faut savoir que c'est le scénariste Walter Hill qui avait participé au tout premier scénario et au scénario suivant qui vraisemblablement a montré à Sigourney Weaver une première ébauche de 50 pages d'un nouveau scénario. Donc, à suivre. Première héroïne de science-fiction, Ripley demeure une présence à la fois insistante et persistante dont l'actualité se renouvelle même en son absence, parce qu'elle semble, plus que le xénomorphe, préfigurer l'un de nos avenirs possibles. En a-t-on jamais fini avec Hélène Ripley, lieutenant de première classe, matricule 36706 ? J'aurais tendance à dire que non. Tout d'abord parce que ce personnage a rendu son interprète indispensable au cinéma de science-fiction. Si Sigourney Weaver est une excellente comédienne, et ça va sans dire puisqu'elle a même obtenu plusieurs nominations aux Oscars bien entendu, mais notamment une pour son rôle dans le deuxième film de la saga Alien, hein, ce qui pour un film de science-fiction est extrêmement rare d'avoir une nomination à la meilleure actrice. En témoigne, donc voilà, si ses qualités de jeu en témoignent, si sa versatilité lui permet de jouer aussi bien des rôles tragiques que des rôles comiques, force est de constater sa permanence dans l'espace, ou plus généralement dans un futur plus ou moins dystopique. Faute d'avoir pu reprendre le rôle de Ripley auprès de Neil Blomkamp, dont le projet de film sobrement intitulé Alien 5, Alien 5, a été tout bonnement annulée. Elle a joué dans son long-métrage intitulé « Chappie » datant de 2015, puis dans son court-métrage intitulé « Raqqa » en 2017. Elle était également présente dans les comédies de science-fiction parodiques « Galaxy Quest » en 99, « Paul » en 2011. Elle incarnait une scientifique dans le premier Avatar de James Cameron, en 2009, elle y est morte, mais néanmoins réapparue dans les suites du premier film sous la forme d'une jeune réincarnation dont il subsiste les traits et la voix. Elle est aussi la voix que l'on entendait dans Wall-E en 2008 ou dans la série Futurama en 2002, hein, incarnant à ce moment-là l'ordinateur de bord, féminin, ce qui est évidemment un signe vert alien. Il ne manque à son palmarès que de figurer à l'affiche d'un épisode de l'autre grande saga de science-fiction, à savoir Star Wars. Et l'année 2026 concrétisera ce fantasme de quelques-uns, puisqu'on la retrouve dans la bande-annonce de The Mandalorian and Grogu, hein, qui est annoncée pour, si je ne m'abuse, le printemps. Bon, la bande-annonce me fait un petit peu peur pour ma part, je tiens à le dire, mais ce ne serait pas ma première déception avec Star Wars. Mais j'irai quand même le voir pour Sigourney Weaver. Les fans, dont je suis, je le reconnais, ont beaucoup fantasmé et fantasment encore. Le fan ne s'arrête d'ailleurs jamais de fantasmer, je crois qu'on peut le dire, sur les quelques images qui ont circulé, apparemment d'un storyboard de Neil Blomkamp pour ce projet avorté de Alien 5 et qui a probablement été avorté à cause de l'échec commercial du film Chappie, en fait. Ce projet n'aura jamais vu le jour, mais ce projet visait à effacer quelque chose, et notamment à effacer les troisième et quatrième films de la saga pour réintroduire notamment les personnages de Newt et de Hicks, les personnages du deuxième volume, qui recomposaient un peu la famille adoptive de Ripley et qu'elle parvenait à sauver à la fin du 2. Et puis, au grand désespoir des fans, évidemment, dans le 3, il meurt avant même que ne commence le film. Mais surtout, Surtout, ce projet réintroduisait une Ripley vieillissante alors qu'elle s'était jetée dans du plomb en fusion à la fin du troisième épisode et qu'elle avait reparu sous la forme d'un clone dans le quatrième, intitulé très judicieusement Alien Resurrection. Les films et la série qui ont suivi sont tous revenus en arrière, tous. Prometheus et Covenant de Ridley Scott, Romulus de Fede Alvarez ou la série Alien Earth se concentrent tous sur un personnage féminin résilient, presque aussi résilient que Ripley, dont l'histoire se déroule soit avant les événements d'Alien, le tout premier, le film de 79, ou au plus tard, avant les événements du deuxième film. À l'écran, vous pouvez reconnaître Meredith Vickers, Elizabeth Shaw dans Prometheus, Daniels dans Covenant, Amanda Ripley, la fille d'Hélène dans le jeu Alien Isolation, Rayne Carradine dans Romulus, dont une suite est annoncée, mais qui ne sera pas réalisée par Alvarez apparemment, et Marcy alias Wendy en bas, juste à côté des noms, dans la série Alien Earth. Il ne semble pas y avoir d'avenir de la fable dépeinte au fil de la saga au-delà de la mort d'Hélène Ripley. Et je trouve que ça, c'est le truc le plus fascinant, c'est qu'on continue de produire sans arrêt autour d'Alien, mais rien ne va au-delà de la mort de Ripley. Rien. Et de surcroît, c'est un personnage qui est privé de descendance, puisque je vous rappelle qu'elle avait une fille qui n'apparaît, dont on n'a conscience que si on voit la version longue du deuxième film, hein, fille qui est morte pendant que Ripley errait dans l'espace, hein, pendant 57 ans, ce qui est quand même assez long, même si on lui a consacré en 2014 un jeu vidéo, hein, vous avez le personnage qui se trouve là au bout. Donc, en quelque sorte, Ripley demeure le cœur de l'histoire, peut-être plus encore que le xénomorphe, qui en est un élément essentiel, mais qui progressivement se retrouve, en quelque sorte, relégué dans le décor. J'en viens... Alors, oui, je saute un petit point, ne m'en veuillez pas, c'est parce que sinon j'aurais été vraiment trop long. Et je me connais, j'ai tendance à... Alors, le quatrième film, Résurrection, est probablement, en dépit du désamour qu'il a suscité, le film le plus influent sur le reste de la saga. Au centre exact du film, donc je vous rappelle que voilà, c'est une histoire de clonage, hein, au centre exact du film se situe une scène où la huitième version du clone Ripley, la seule réussie, découvre la salle où sont conservés, tel un musée des horreurs, les sept échecs successifs de l'opération de clonage. Six cuves de formol dans lesquelles flottent des monstres avortés et une créature allongée sur un lit médicalisé, au visage humain déformé par la souffrance de ses difformités. Également interprété par Sigourney Weaver, le clone numéro 7 supplie son double réussi de mettre un terme à son malheur. Bouleversé, c'est d'ailleurs le seul moment du film où Ripley est bouleversé, vous la verrez tout à l'heure, je vous remontrerai une image, Ripley incendie l'ensemble de la salle, créant un effet un peu bizarre d'ailleurs, d'anéantissement d'elle-même, autrement dit, de ce qu'elle incarne, sa capacité de survie qui défie toutes les attentes. C'est comme si elle tuait sa propre survie. Or, c'est ce qui m'intéresse, c'est sa capacité de survie. Comme l'écrit le prix Nobel de littérature Elfriede Jelinek, qui s'est intéressé à l'ensemble des quatre films, c'est pas le seul écrivain qui s'est intéressé à l'ensemble des quatre films, je vous renvoie à mon livre si vous ne le savez pas encore, je cite Elfriede Jelinek, « La seule constante dans les aliens est l'héroïne, Ripley, Sigourney Weaver, la seule à toujours rester la même, à ne même pas vieillir, car elle semble voyager à travers le temps, de telle manière que pour elle, le temps ne passe pas. Tout le reste change, même sa propre fille vieillit et meurt, finalement en tant que vieille femme. » Ripley est la survivante par excellence, dernier témoin d'une apocalypse dont les xénomorphes sont l'instrument. La position de survivant, comme celle du prophète, partage cette même fonction de témoin. Si Ripley est l'héroïne, et j'ai utilisé le mot prophète parce que je vais y revenir tout à l'heure, si Ripley est l'héroïne, c'est parce qu'elle survit immanquablement, plus que par ses actes de bravoure. Le survivant n'est pas toujours un sauveur. Celui qui survit est au contraire désarmé, démuni, vulnérable. Celui qui veut sauver l'univers, alors qu'il est vulnérable, doit mourir, puis ressusciter. Et c'est là qu'on voit toute la posture finalement christique de ce personnage. Toute la saga Alien commence à une époque où le futur est grandement remis en question, parce qu'il ne peut plus reposer sur la croyance en des lendemains qui chantent. Les visions que je qualifierais d'écuméniques de Star Wars, qui produisent encore un héros noble, vaillant, laissent la place à la figure d'un héros survivant, celui dont la bravoure tient à une capacité instinctive de survie, déjouant les pièges cyniques tendus au sein d'un monde apocalyptique qui s'ignore, qui se rêve encore tel qu'il n'est déjà plus, un monde où chacun occupe une place au sein d'une grande machinerie universelle dans laquelle pourtant l'absolument autre bouleverse, le xénomorphe en l'occurrence, bouleverse les hiérarchies, les catégories, les repères, pénètre les corps et les voue à un destin strictement utilitaire. Un être humain ou un animal est mis en contact avec un ou plusieurs œufs. Ça, c'est le mode de reproduction du xénomorphe pour ceux qui ne le sauraient pas. Œufs duquel sortent un parasitoïde qui se fixe au visage ou à la gueule de sa proie. Donc ça, c'est le... Voilà. Pour donner ceci, elle se fixe au visage pour délivrer dans la gueule de sa proie un embryon dont la gestation va conduire la proie en question à une mort certaine, dans d'atroces souffrances, puisque la cage thoracique va exploser de l'intérieur, laissant le xénomorphe, encore dans une taille raisonnable, sortir. Xénomorphe, cependant, dont la croissance rapide va rapidement l'élever au rang de prédateur ultime. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il se met à traquer les êtres humains, soit simplement pour les tuer, soit pour en faire de nouveaux porteurs d'embryons, et ainsi de suite. Face à ce scénario cauchemardesque, se dresse Ripley, qui d'un épisode à l'autre parvient à fuir la fatalité mortelle et à se débarrasser de l'ensemble des xénomorphes créés au fur et à mesure des films. Ça, c'est la fin du premier, quand elle éjecte le xénomorphe dans l'espace. En tant que récit illusoirement eschatologique, fondé sur la répétition du même, puisque c'est la loi de toutes les séries, on répète toujours les mêmes actions, on élimine toujours le dernier xénomorphe à la fin de chaque film, la saga épouse une structure apocalyptique où la fin, toujours annoncée d'emblée, hante les personnages. Si la répétition du message de la dernière survivante du Nostromo, si vous vous souvenez, à la fin du premier film, elle enregistre un message à destination de qui va la récupérer, comme pour avoir un témoignage dans une boîte noire, si la répétition du message de la dernière survivante du Nostromo semble confirmer la dimension cauchemardesque de la série, cette archive, parce qu'elle se répète et qu'en fait on l'entend dans le deuxième, dans le troisième, etc., etc., cette archive vocale est aussi le témoin clé de la survivance, puisqu'il enregistre la victoire sur l'alien. Le message répond en symétrie à celui qui avait pourtant conduit le vaisseau commercial, le Nostromo, à dévier de sa trajectoire et ses occupants à devenir les victimes de la créature extraterrestre la plus effrayante du cinéma. À l'avertissement mal interprété, répond une perspective ouverte sur l'avenir. Ripley énumère ses morts et pense atteindre la bordure extérieure en quelques semaines afin de renouer avec la vie. Mais sa vie n'est plus que survie, a-t-elle jamais été autre chose, ça on peut se poser la question, et chaque nouveau film la confronte à nouveau à son ennemi mortel. Coincée dans un cauchemar qui ne peut pas connaître de fin, Ripley n'a de cesse de retarder l'inévitable en faisant de la mort une espèce de propriété de la durée. C'est comme si la mort était une nécessité pour pouvoir durer. Cherchant à sauver les autres, d'ailleurs, elle se sauve elle-même, mais se sauvant elle finit toujours par condamner les autres, ceux qu'elle cherche à sauver. Et d'ailleurs, aucun d'entre eux ne figure jamais au casting du film suivant, ce qui est voilà, le plus simple. Alors bien sûr, parce que les scénaristes et les réalisateurs changent, mais c'est quand même, je trouve, assez intéressant de remarquer que jamais un scénariste n'a repris un autre personnage que Ripley, à l'exception des androïdes, mais qui sont en fait d'autres versions du même. Dans... Le seul qui survit, c'est le chat, Jones. C'est le seul. C'est le seul qu'on voit dans deux films. C'est le seul. Mais ce n'est pas un être humain. Dans Alien Resurrection, dernier film de la tétralogie, l'héroïne semble avoir perdu toute empathie envers les êtres humains, à l'exception de sa réaction après avoir incendié ses versions antérieures et ou sa progéniture. Et c'est dès l'instant où elle accepte de ne sauver qu'elle-même que le nombre de survivants augmente substantiellement. Les trois personnages qui se trouvent à l'écran, donc Jonner, qui est joué par Ron Perlman, Dominique Pinon qui interprète Vriss, et Cole qui est interprété par Winona Ryder, tous trois vont survivre à la fin du 4. Mais je vous rappelle, il n'y a pas de suite au 4, puisque c'est le terminus maximal au-delà duquel l'histoire ne va pas. Cette portion congrue de l'équipage, en plus constituée de contrebandiers qui ont acheminé en plus des mineurs qui ont servi de cobayes pour justement reproduire des aliens, etc., donc c'est quand même pas super, semble avoir, ce petit groupe-là, avoir débordé en quelque sorte la condition humaine. Sont-ils encore vraiment humains ? Jonner a une force brutale et l'agilité d'un singe, et il ne cesse d'ailleurs d'imiter le singe. En fait, il ne cesse de se faire passer pour un singe. Vriss, vu qu'il est handicapé, il est vissé à son fauteuil roulant et semble en fait représenter un être biomécanique ou biomécanisé. Cole, la jeune femme qui est à côté de Ripley, est un Nauton, c'est-à-dire un androïde de seconde génération, lui-même créé par des androïdes. Donc c'est plus un être humain non plus. Le profil du survivant devient en quelque sorte celui qui accepte de n'être plus humain, de renoncer à être humain, c'est-à-dire de renoncer à être autre chose qu'un survivant. Alors comment survivre à l'avenir ? L'on présente souvent la science-fiction comme une préfiguration de l'avenir à travers une critique du présent, qui est toujours le présent de la production de l'œuvre. Ce qui m'intéresse dans la saga Alien, c'est de constater qu'au-delà de l'inclusion de problématiques contemporaines, comme la perversion du capitalisme, les lois garantissant l'accès à l'avortement, les premières tentatives de clonage, la robotique, l'intelligence artificielle, etc., la succession des films interroge notre capacité à survivre à l'avenir, à cet avenir que nous nous préparons depuis une cinquantaine d'années. Car la principale qualité de Ripley n'est pas celle d'un héros traditionnel, un héros épique, à l'instar des personnages de Star Wars. Elle ne dispose pas d'une force ou d'un courage extraordinaire. Au contraire, elle montre sa peur, je pense que j'ai choisi des images qui le montrent, j'espère en tout cas. Elle ne cherche pas de position dominante et elle assume cette vulnérabilité qui la rend pleinement humaine. Ses principaux faits d'armes sont sa capacité à survivre et son sens du sacrifice, puisqu'elle cherche tout de même à protéger d'autres qu'elle-même, même si elle n'y arrive pas, à commencer par l'ensemble des êtres humains, en veillant à ce qu'aucun xénomorphe ne pose un pied sur Terre. Vous voyez que j'ai de la suite dans les idées de ce point de vue-là. Ripley survit parce qu'elle anticipe mieux que les autres ce qui peut arriver. On se rappelle à cet égard que la première scène dans laquelle son personnage gagne en importance, dans le premier film, lorsqu'elle refuse de laisser entrer l'équipe qui est allée explorer l'épave où un parasite s'est brutalement attaché au visage de Kane, que vous avez vu tout à l'heure, pour lui implanter l'embryon d'un xénomorphe. Alors là, je vais sortir du PowerPoint, si vous voulez bien, juste pour vous montrer un extrait. Hop. Alors malheureusement, je vous le dis, pour avoir les extraits que je voulais, ils sont malheureusement exclusivement en anglais, ils ne sont pas sous-titrés, mais je pense que vous comprendrez, c'est juste elle qui refuse l'entrée aux autres. Clean, let us in. What happened to Kane? Something has attached itself to him. We have to get him to the infirmary right away. What kind of thing? I need a clear definition. An organism. Open the hatch. Wait a minute. If we let it in, the ship could be infected. You know the quarantine procedure. 24 hours for decontamination. It could die in 24 hours. Open the hatch. Listen to me. If we break quarantine, we could all die. Look, could you open the goddamn hatch? We have to get him inside. No. I can't do that. And if you were in my position, you'd do the same. Ripley, this is an order. Open that hatch right now. Do you hear me? Yes. Ripley, this is an order. You hear me? Yes. I read you. The answer is negative. Inner hatch open. Voilà, donc tout petit extrait, simplement pour vous montrer que, d'une part, donc c'est le premier moment où elle... où elle devient un peu plus importante que, ce qu'elle n'était jusque-là. Mais en fait, à ce moment-là, on pense encore que le héros, c'est le capitaine Dallas. Hein, ce n'est qu'à la mort du capitaine Dallas que tout à coup Ripley va gagner en importance. Bon, je reviens à mon propos. Donc, en cela, donc, elle refuse de laisser entrer, mais elle refuse de laisser entrer en disant, voilà, on risque de tous mourir, on ne peut pas laisser entrer, il y a des procédures de quarantaine, etc., etc. Son personnage relève pleinement de ce que j'ai appelé ailleurs la subjectivité apocalyptique, c'est-à-dire le sentiment de devoir protéger l'être humain de ses propres errances, de ses propres erreurs, dans la mesure où, depuis l'invention de la bombe atomique, l'être humain a découvert et multiplié les manières non seulement de s'autodétruire, mais aussi d'emporter toute vie sur Terre dans sa propre chute, ce qui se vérifie avec le changement climatique, la pollution effrénée, la disparition des espèces animales ou végétales, etc., etc. Je ne vous fais pas le topo de ce que nous vivons à l'heure actuelle. Depuis 1945, l'humanité considère de plus en plus l'avenir comme porteur d'un danger absolu qui tient doublement dans les mains de l'homme. C'est lui qui en est responsable et c'est lui qui peut y mettre un terme ou au moins un frein. Le motif de la prémonition est présent très tôt dans le film de 1979. Chaque réplique de Ripley s'avère prescient. Elle annonce à la navigatrice Lambert qu'ils ne sont pas dans leur système solaire avant que les calculs ne puissent être réalisés. Elle rassure l'ingénieur Parker, que vous voyez à l'écran aussi, sur sa rémunération en lui disant, et c'est prophétique, « You'll get whatever is coming to you ». Phrase rétrospectivement oraculaire, hein, puisque en traduction française, c'est « tu auras ce que tu mérites », mais évidemment, c'est à double sens. Hein, c'est « tu vas te ramasser ce qui va venir vers toi », en fait, ce qu'elle dit. Elle est donc la première aussi à voir que le message qui les a amenés sur le planétoïde n'était pas un appel à l'aide, mais un avertissement. Ripley ne vasticine pas, elle n'est pas prophétesse tout à fait, mais elle garantit rationnellement des conditions de survie. Et dans les films suivants, elle doit systématiquement endosser le rôle d'une hystérique que l'on refuse d'écouter, telle la prophétesse antique Cassandre, hein, avant que les événements ne finissent par lui donner raison. Dans le deuxième film, elle avertit le lieutenant Gorman que les tirs des militaires pourraient endommager la structure de la centrale et créer un cataclysme thermonucléaire. Ce cataclysme, bien sûr, aura lieu. Ensuite, elle essaye de lui ordonner le repli de ses hommes. Et évidemment, le massacre aura lieu, les hommes ne se sont pas repliés à temps et la moitié de l'escouade est balayée. Lorsque Newt, la petite fille que vous avez vue dans une image plus haut, évidemment malheureusement de ce que j'ai voulu sauter, lorsque Newt est enlevé par les xénomorphes, Ripley affirme qu'ils ne la tueront pas. Et en effet, Ripley parviendra à la sauver parce que la petite fille était conservée pour devenir hôte d'un embryon. La téléologie négative articule l'ensemble des rouages de l'intrigue et des dialogues du troisième film, Alien 3, mais en fait, vu que le 3 est en exposant, en fait, on devrait dire Alien Cube, puisque c'était ça l'idée qu'il y avait derrière, c'est que normalement l'alien devait être beaucoup plus gros, finalement il est beaucoup plus petit, enfin... Vous savez qu'il y a eu une dizaine de scénaristes sur ce troisième épisode et trois réalisateurs différents. Hein, et ça a été le premier film le long, premier long métrage de David Fincher qui est resté pour lui un cauchemar, il ne veut plus jamais en parler. Voilà. Et en fait, il y a des petites incohérences dans le scénario, et notamment sur cette taille de l'alien qui naît d'un chien ou d'un bœuf selon la version du film. Mais donc, en fait, voilà, vous avez deux versions concurrentes, ce qui est assez perturbant. Bref, je reviens à mon histoire. Ripley, dans ce troisième épisode, se révèle sensible à tous les événements qui concernent le xénomorphe. Elle saigne du nez au moment de sa naissance. Elle se réveille en sursaut au moment où la première victime vient d'être consommée. Elle pressent son comportement léonin qui veille à nicher à proximité de ses proies, etc., etc. Je peux multiplier les exemples. Le seul témoin de la mort de deux autres prisonniers, le détenu Gorlek, cloîtré à l'infirmerie et ostensiblement en plein délire, prophétise à Ripley sa mort prochaine. Ce à quoi le spectateur que nous sommes ne peut prêter foi, évidemment. C'est pas possible, c'est l'héroïne, elle peut pas mourir. L'impossible s'accomplira pourtant. Ripley confirme cette condamnation en cédant pour la première fois sur sa capacité à survivre et en se suicidant. Elle-même va reconnaître auprès du chef des détenus « I can't survive this, je n'y survivrai pas ». Mais elle devra au bout du compte donc se suicider de toute façon parce qu'elle est porteuse elle-même d'une reine xénomorphe qui grandit en elle et qui, au moment où elle se jette dans le plomb fondu, percera sa cage thoracique dans une scène qui est on ne peut plus christique. Il y a deux versions de cette scène, mais je vous ai mis celle-là parce que là, on le voit très très bien que c'est très christique quand même. Dans le film de Genet, le quatrième de la première tétralogie, où Ripley a été cloné au départ de résidus organiques permettant de reconstituer la Ripley enceinte de la reine du troisième épisode, afin justement de récupérer cette reine, la fusion des ADN révèle que l'instinct du xénomorphe repose également sur sa capacité d'anticipation, ce qui se traduit chez Ripley par des réflexes accrus, notamment on essaye de la frapper, elle part le deuxième coup parce que ses réflexes sont affûtés. Ne peut survivre que celui qui apprend vite et prédit ce qui vient. Alors que les scientifiques la croient encore infantile, elle surprend l'un d'entre eux par sa soudaine maîtrise de la parole, immédiatement tournée vers le futur. Et là, c'est mon deuxième extrait. Je vais donc de nouveau sortir. Je suis vraiment désolé de vous faire chaque fois ce petit saut. Et c'est de nouveau en anglais non sous-titré, mais je pense que ça devrait être compréhensible. Alors, elle charge un peu plus lentement, celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Fork. Fuck. It's a fork. How did we get you? Hard work. We used blood samples from Fiore 16 on ice, where you died. We've remade you. We cloned you. Fiore 16. Does that ring a bell? Are you remembering something? Does it grow? Yeah. Very rapidly. It's a queen. How did you know that? She'll breed. You'll die. Everyone in the company will die. In the company? Alors, juste pour reprendre, c'est une reine, elle va se reproduire, vous mourrez. La sentence condamne ainsi tout le groupe de scientifiques dont l'héroïne met en doute indirectement les capacités d'apprentissage, les facultés d'adaptation, ce qui est un beau paradoxe. Il est courant de penser cependant que la science anticipe l'avenir. Je pense que c'est un mythe assez fréquent. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que plutôt que d'anticiper l'avenir, les œuvres de fiction a fortiori les œuvres de science-fiction, donne forme à un déjà-là, ainsi que l'écrivait le critique britannique Frank Kermode, vous avez la citation à l'écran, lorsque nous vivons dans une atmosphère de crise au sein de laquelle l'appréhension de la fin domine, certains modèles hypothétiques devenus désormais familiers semblent relever de l'évidence. La cupidité sans limite du néolibéralisme effréné, les dérives potentielles de l'intelligence artificielle ou de la manipulation génétique, etc., etc., voilà autant de raisons de considérer la saga Alien sous l'angle prophétique. L'être humain, résolument orienté vers l'exploration spatiale, les progrès technologiques ou médicaux, s'éloigne peu à peu de son état de nature. Ripley n'est pas un héros comme les autres, d'abord parce qu'elle est une femme. Produit de ce qu'on appelle aujourd'hui un male gaze, il n'y a pas eu un seul scénariste ni un seul réalisateur femme sur tout l'ensemble de la saga, elle est devenue cependant l'emblème de tas de lectures féministes. Elle est devenue un modèle qui s'est répété non seulement pour toutes les autres héroïnes de la saga, mais aussi pour toutes sortes d'héroïnes de science-fiction, d'horreur ou d'aventure. Étrangement, c'est parce qu'on associe à Ripley des stéréotypes liés au féminin, à commencer par une certaine faiblesse physique ou un caractère émotif, qu'elle a pu incarner un versant de ce que l'humanité, dans sa course au profit à la domination d'autrui, est en train de perdre. Les antagonistes de Ripley, le xénomorphe bien sûr, mais aussi les agents du conglomérat Weyland-Yutani, prêts à sacrifier l'équipage de cargo, escouade de militaires, les scientifiques, etc. Ça, c'est le fameux message de l'ordre spécial qui condamne l'équipage du Nostromo. En fait, tout ça pour parvenir à s'approprier ce qu'on considère comme un organisme parfait, le xénomorphe. La perfection de l'alien se mesure à sa capacité de survie. C'est ce que déclare d'ailleurs l'officier scientifique du Nostromo H, là vous voyez complètement dézingué. Officier scientifique qui est un envoyé de la compagnie Weyland-Yutani. Autrement dit, le monstre détient en partage avec Ripley cette qualité de survivant qui semble toucher à un instinct animal, instinct oublié par des êtres humains qui réfléchissent en termes de profit et qui ressurgit chez le sujet apocalyptique, celui qui se sent en danger, celui qui a conscience de l'éventualité d'une fin imminente. Ripley est à la fois seul à ne pas mettre en doute l'étrangeté absolue que représente l'alien, alors que la plupart des autres personnages considèrent l'alien comme un bête animal, ce qui est évidemment leur erreur. Et au contraire, Ripley elle souligne la différence entre l'animal et les membres de la compagnie qui se battent pour ce qu'elle appelle dans le 2 un putain de pourcentage. En même temps, l'allure du xénomorphe le distingue de l'être humain. Du fait de son corps d'apparence biomécanique qui le rapproche finalement davantage des êtres synthétiques qui peuplent la saga et s'avère souvent à la solde des conglomérats qui semblent avoir supplanté les États-nations au sein de cet avenir dystopique dont nous ne sommes peut-être plus si loin si l'on regarde comment d'énormes conglomérats, pensez à Musk, pensez à Peter Thiel, pensez à Zuckerberg, ces énormes conglomérats qui commencent à rivaliser avec les États-nations. Moi, ce que j'en dis. Or, donc, ce sont ces compagnies qui produisent la majorité des antagonistes, des vrais antagonistes de la saga. Et c'est d'ailleurs, selon les dessins de ces compagnies que, en fait, toute la saga s'organise. Le slogan de la Weyland-Yutani, « Building better worlds »,« Bâtir des mondes meilleurs », qui se décline ironiquement dans presque tous les films de la franchise, rappelle avec beaucoup de cynisme les pires heures des impérialismes européens. Le futur semble bien ancré dans notre présent, à travers un impérialisme que souligne au fil de la saga d'ailleurs des tas de références à l'œuvre de Joseph Conrad, à commencer par le nom du vaisseau, le Nostromo, mais il y en a d'autres, et vraiment c'est partout, y compris dans le jeu Alien Isolation. À quoi s'ajoute désormais, dans Alien Earth, la référence à la cruauté de Peter Pan, du roman de James Barry, puisque le très jeune patron de Prodigy, Boy Cavalier, que vous voyez ici à l'écran, se prend pour un Peter Pan qui refuse de grandir, méprise les manières des adultes, vous voyez ses pieds nus sur la table, et choisit d'utiliser sans scrupule des enfants gravement malades pour créer les premiers hybrides, niant ainsi le passage du temps et le vieillissement. La saga Alien se construit sur le même temps sériel que celui du capitalisme, qui s'appuie sur le principe d'une dette qui est infiniment produite et reproduite et toujours accrue. On est en plein dedans nous-mêmes. Hein. Dans Alien déjà, Parker et Brett étaient menacés de perdre leur salaire s'ils ne se pliaient pas aux desiderata de la compagnie. Même chose, hein, les personnages de Romulus, tout comme le frère de Wendy dans Alien Earth, voient leur contrat de travail qui est défini comme une dette dont l'origine est assez nébuleuse, mais par contre, dette qui est renouvelée sans cesse sous des prétextes futiles, voire malhonnêtes, engendrant une nouvelle forme d'esclavagisme. Le motif de la mine, d'ailleurs, hein, ce sont des mineurs, les premiers qui vont chercher, qui vont chercher le Nostromo. En fait, c'est un vaisseau de commercial qui ramène des minerais. La prison du 3, ben, en fait, ce sont des gens qui entretiennent des hauts fourneaux, etc., etc., etc. Andy et Rain dans Romulus, ce sont aussi des mineurs, etc., etc. Me semble très emblématique, justement, de cette oppression esclavagiste, finalement, qui pèse sur les personnages. Les êtres humains n'ont aucune valeur au regard d'une créature susceptible d'être muée en armes ou monnayée. L'ordre spécial 937 dont on a que je vous ai montré à l'écran tout à l'heure, auquel l'ensemble des équipages du Nostromo est, auquel l'ensemble des membres de l'équipage du Nostromo est soumis sans le savoir, les élève au rang de ce que le philosophe italien Giorgio Agamben appelle l'homo sacer. Alors l'homo sacer, c'est un terme issu du droit romain. Qui désigne en fait des êtres sacrés qui sont déchus de leurs droits civiques et qu'on ne peut dès lors pas sacrifier selon les rites, mais qu'on peut tuer sans être inquiété judiciairement, ce qui est assez intéressant, parce que c'est vraiment le principe de l'esclave. Dans l'ouvrage qu'il consacre à ce concept, le philosophe assimile l'homo sacer aux déportés et aux exilés qui, selon le terme qu'emploie Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme, sont réduits à la vie nue, c'est-à-dire soumis à un état d'exception permanent au sein duquel ils ne bénéficient plus d'aucune protection, sont assimilés à des animaux et donc éminemment sacrifiables. Pensez à la crise des réfugiés que nous vivons depuis une dizaine d'années, si pas davantage. Ça fait réfléchir tout de même. Bien, j'en viens à mon dernier point qui sera mon point conclusif. Je vais déborder de 3 minutes, ça vous va? 3 minutes, c'est acceptable? Allez, ouf. Ripley incarne l'humanité vulnérable que la raison économique écrase jusqu'à la réduire à néant. L'Amérique et plus largement le monde occidental depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sont obsédés par la capacité de survie comme mode d'existence. L'humanité vulnérable apparaît comme la seule force de résistance disponible. Ainsi, à l'économie néolibérale exacerbée répond l'imaginaire survivaliste. C'est ainsi que le projet avorté de Neil Blomkamp, dont j'ai parlé tout à l'heure, imaginait Ripley, X et probablement Newt, enrôlés dans un réseau de résistance opposé aux intérêts de la compagnie. Dans Alien Resurrection, Cole confie à Ripley les raisons qui l'ont amené sur l'USM Auriga, et une scène coupée en particulier nous dit qu'elle cherchait avant tout à sauver l'être humain de lui-même, ce qui est assez intéressant. Ripley vient en quelque sorte signer la faillite du héros épique, dont la qualité de domination sur son environnement, les héros de Star Wars sont encore tout à fait dans cette ligne-là, fait partie désormais des qualités prêtées aux ennemis. La domination, c'est l'ennemi dans la série Alien. Les xénomorphes ou les suppôts de l'hypercapitalisme qui tentent à réduire l'humanité à un statut de créature sacrifiable de quantité négligeable parce que n'ayant pas de valeur marchande intrinsèque, tout comme dans la saga Matrix, hein, où l'être humain est cultivé par des machines à des fins de moissonnage énergétique. Hein, on se souvient sans doute de l'anecdote que raconte Morpheus où il dit que l'être humain est assimilable à une pile, en fait. L'être humain de la saga Alien est de la même manière réduit à une modalité de reproduction pour les xénomorphes et corollairement pour les ambitions technomilitaires des grands conglomérats. La technologie qui devient immaîtrisable, le transhumanisme associé au désir de ne plus vieillir, sont dénoncés en tant que danger potentiel parce qu'ils impliquent la dépendance à des ressources non humaines susceptibles de se retourner contre l'humain. Ripley devient donc l'emblème de cette résistance face aux machines, opposant sa vulnérabilité, on l'a vu vieillir d'ailleurs dans les différents films, à la prise de pouvoir technologique. On se souvient sans doute qu'à la fin du deuxième film, elle se servait d'une machine exosquelettique pour pouvoir rivaliser avec la reine xénomorphe et défendre la jeune Newt menacée par cette dernière. Le symbole est d'autant plus fort que Ripley appartient à la classe ouvrière. Elle est peut-être lieutenante de première classe, mais il n'empêche qu'elle est dans un vaisseau minier. Elle incarne, en quelque sorte, un prolétariat vulnérable qui est le jouet de monstres affamés, mais affamés de quoi ? Sans doute peut-être davantage de pouvoir et d'argent. Ce qui distingue les installations suivantes de la tétralogie initiale, c'est justement la prise de pouvoir par les machines. L'androïde David dans Prometheus et dans Covenant, l'androïde Rook dans Romulus, ou les hybrides, qui sont appelés les Lost Boys, hein, les enfants perdus comme dans Peter Pan dans Alien Earth. À Ripley, ont succédé des héroïnes qui ne parviennent plus à survivre. Shaw, elle meurt entre le Prometheus et Covenant. Daniels, elle est à la merci de l'androïde David à la fin de Covenant. Rain semble peut-être survivre. On verra ce qu'il en arrive ce qu'il en devient dans le deuxième film. Mais voilà, les androïdes ont pris le pouvoir. Et Wendy, la principale androïde des Lost Boys dans Alien Earth, en fait, elle n'est elle-même plus vraiment humaine. C'est une âme d'enfant qui a été injectée dans un corps adulte d'androïde. Et ça fait d'elle un véritable monstre. Et c'est le titre du dernier épisode de cette première saison de Alien Earth, Les véritables monstres, ce qui est intéressant aussi comme renversement. Dans les deux derniers cas, donc il y a des suites annoncées, peut-être qu'elles vont me donner tort, peut-être qu'elles vont me donner raison, je suis toujours ouvert à ce qu'on me donne tort, j'aime beaucoup ça. Mais quoi qu'il en soit, Ripley demeure la référence indépassable, la figure de survivante résistante qui ne nie pas sa vulnérabilité. Le dernier espoir d'une humanité et d'une planète Terre dont on sait désormais à quel point elle est menacée, moins par un xénomorphe que par des ambitions qui nient la vulnérabilité des êtres vivants. Et je vous remercie.